à se crier comme il fait mal de rester là, de rester là. Cultive tes goûts. Bonjour, demain 17 mai 2015, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On en parle avec nos invités au cours de la prochaine heure. Mon nom est Michel Monette et j'anime cette émission spéciale en compagnie d'Olivier Poulain de l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, avant de parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs brièvement ce qu'est l'Alliance Arc-en-Ciel, dont vous êtes directeur par intérim. Exactement. Alors, pour les auditeurs qui feraient comme quoi, Olivier Poulain, directeur général à l'Alliance Arc-en-Ciel, bon, on va régler la question tout de suite. Effectivement, oui. Ceux et celles qui sont des auditeurs habitués et qui m'ont déjà entendu peut-être à ce micro à d'autres occasions. Alors oui, je fais un mini comeback, là. Je suis le has-been. J'étais directeur général avant. J'ai cédé ma place après plusieurs années. Et donc, notre directeur général actuel était en congé de maladie. Le conseil d'administration m'a demandé de faire un petit comeback, de venir donner un coup de main pour proposer, pour livrer la journée contre l'homophobie, la transphobie et la fête arc-en-ciel qui aura lieu à la fin de semaine de la fête du travail du 3 au 6 septembre. Et donc, me voilà directeur général par intérim. Alors, ça me fait l'Alliance, tout drôle. Qu'est-ce que c'est l'Alliance? Alors, l'Alliance, donc, c'est un organisme communautaire à but non lucratif dont les bureaux sont situés dans Saint-Roch et qui vise à faire la promotion des droits des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à organiser différentes activités, différentes actions de lutte contre l'homophobie et la transphobie, toujours dans une idée un peu d'alliance, donc de solidarité entre les différents acteurs là, de la communauté LGBT de Québec, mais toujours aussi en essayant de rallier le plus de personnes, le plus de sympathisants, d'alliés, hein, c'est le thème justement du 17 mai pour cette année, à notre belle cause de l'égalité finalement, du respect des droits fondamentaux des êtres humains. Alors on organise, donc on chapeaute la journée contre l'homophobie et la transphobie. Et il y a un site web aussi. Oui, Arc-en-Ciel Québec. On est sur Twitter aussi, Arc-en-Ciel QC, on est sur Facebook, on est très présent sur les réseaux sociaux parce que le mandat d'informer est fondamental au sein de notre organisation. Alors, ça ressemble à ça, l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Avant, on s'appelait GLBT Québec, lutte à l'homophobie. Oui. On a changé de nom en juin dernier. Parlons maintenant du 17 mai. Oui. Les gens, certains savent que c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est pas tout le monde qui le sait, et pour ceux qui l'ignorent, cette journée, depuis quand elle existe, on se doute de la raison pour laquelle elle a été créée. Oui. Mais on ne sait pas exactement à quelle occasion, par contre. Non, et il y a beaucoup de gens qui ignorent que c'est une création québécoise, finalement. On peut s'en vanter, oui. Je crois. Le Québec a toujours été à l'avant-garde. Même si c'est un fait international qui y a donné... Oui. Effectivement. Oui, c'est ça. Donc, la journée internationale... En 2003, oui. Au Québec, a été créée par la Fondation Émergence et par son président de l'époque, Laurent McEachin, la Journée nationale de lutte contre l'homophobie. En 2003, d'abord, je crois que c'était une première mondiale, et c'était au Québec, ici, et c'était le premier mercredi de juin. Alors, c'était un peu plus tard qu'à l'heure actuelle, et c'était pas systématiquement une journée fixe. Ça pouvait changer à l'occasion. Quelques années plus tard, l'initiative s'est internationalisée, si on veut, et à ce moment-là, la date qui a été adoptée, et le changement a été fait ici chez nous, c'est le 17 mai. Pourquoi le 17 mai? Parce que cette date correspond au jour où, en 1990, l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Évidemment, il y a bien des pays qui n'ont pas suivi ça, hélas, à l'échelle internationale, donc l'OMS, une organisation crédible et reconnue, a déterminé le 17 mai 1990 que les homosexuels et compagnie. Là, et c'est depuis ce temps qu'on fête le 17 mai. Et c'est en hommage à cette journée là que le 17 mai. Mais il n'y a pas juste l'Alliance. Il n'y a pas juste l'Alliance dans l'organisation de cette journée ici à Québec. Parlons de Québec maintenant. Il n'y a pas juste l'Alliance. Il y a quand même plusieurs partenaires qui sont présents. Effectivement. Alors, c'est un rôle fondamental à l'Alliance, c'est rassembler les personnes impliquées dans la communauté LGBT, les personnes qui veulent un peu changer le monde, osons le mot. Et puis, on les assoit à une table et puis on détermine ensemble qu'est-ce qu'on veut faire à partir du thème proposé par la Fondation Émergence. Là, cette année, c'est les Alliés. Alors, les différentes organisations qui font partie de, outre l'Alliance Arc-en-Ciel, là, qui font partie du comité organisateur de toute la semaine d'activité autour du 17 mai 2015 à Québec, il y a évidemment Gris Québec, Gris Chaudière-Appalaches, le groupe gay de l'Université Laval, l'ATQ, qui est en fait l'aide aux trans du Québec, Miel Québec et Sappho Mag. Et il y a eu plusieurs activités jusqu'à présent. Oui, ben c'est une semaine qui se déroule très bien. Évidemment, bon, c'est demain là, qu'il va y avoir le climax. Ouais, là, la grande activité où on invite tout le monde d'ailleurs. Oui. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais donc, oui, la semaine s'est très bien déroulée. Ça s'est commencé lundi. Il y avait une émission spéciale de l'heure du GGUL, donc l'émission du groupe gay de l'Université Laval, HIS 94.3. Avant-hier, jeudi le 14 mai, on a eu une motion à l'Assemblée nationale, motion unanime là, de tous les partis. Vous y reviendrez tout à l'heure. Mais donc, il y a eu un aspect très politique au 17 mai de cette année. Maintenant, toujours jeudi, il y a eu un lancement du projet A comme allié. On va en parler tantôt d'ailleurs. Parfait, ce projet-là. La responsable Jeanne Lagabrielle sera là. Oui. Alors, ça s'est très bien déroulé. C'était du côté du cercle. Ils ont lancé une capsule publicitaire et tout. Puis ça annonce d'un projet qui s'en vient pour l'automne. Donc, il y avait aussi un speed dating organisé par Miel Québec. Miel Québec est une organisation de prévention des ITSS et du VIH-SIDA et de services aux personnes vivant avec le VIH aussi. Alors, ils ont fait un speed dating pour hommes. C'était au Studio P. Ça, c'est une activité, bon, un peu ludique, c'est sûr, mais c'est une activité dans laquelle aussi il y avait des messages de prévention et de santé, de promotion d'une saine santé sexuelle. C'est très important. Sinon, ben, nos amis du magazine de Sappho Mag ont organisé donc une soirée karaoké. Sappho Mag, c'est bien sûr un webzine pour femmes lesbiennes et bisexuelles de la capitale, mais qui peut être lu évidemment par tout le monde. Et elles avaient une soirée à la Ninkasi jeudi soir. Alors, je suis passé faire un petit tour, puis il y avait des belles voix à cette soirée à la Ninkasi. La Ninkasi qui est un établissement allié, osons le mot. Oui, on connaît bien ici à CKRL. Oui, oui. Oh, excellent. On les aime beaucoup aussi du côté de l'Alliance Arc-en-Ciel. Et puis, ben hier matin, il y avait par un temps magnifique et à quelques pas du fleuve, à l'hôtel de ville de Lévis. Un endroit superbe. J'y étais d'ailleurs. Je vais présenter une entrevue un peu plus tard dans l'émission. Tout à fait. Alors, CKRL était bien présent. Et puis, donc, le vide-drapeau arc-en-ciel à l'hôtel de ville de Lévis, en présence de différents politiciens, là, entre autres François Paradis, le député de la CAQ de Lévis. Stephen Blainey, même, un ministre fédéral, était là. Lui qui est député aussi de la région. Le maire de Lévis, évidemment, qui s'est positionné comme un allié. On y reviendra tout à l'heure. Alors, ça a été une activité, franchement, très agréable, en présence de quelques dizaines de personnes qui étaient là par un temps magnifique. Alors, c'est beau de voir que la ville de Lévis a pris position comme ça. C'est Gris Chaudière-Appalaches qui avait fait cette demande. On va rouler un peu, Olivier, parce que le temps passe. Il y avait aussi une activité hier soir, un lancement d'un livre de l'Université Laval par le GGUL, c'est ça? Exactement. C'était un recueil de textes et d'images. Ça s'intitule Éveil. C'était la quatrième édition. C'était à 18h30 hier au Café Fou Allier. Oui, un beau projet, ça. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres choses. Oui, bien, ici même, cette émission spéciale animée par Michel Monnet. Et ce soir, il y a autre chose aussi. C'est dans la programmation. Et ce soir, il y a la soirée en mauve au Drag. Alors, le cabaret club Le Drag, lieu très connu de la communauté gay de Québec, qui ce soir pour faire sa part dans la programmation de la journée contre l'homophobie et la transphobie. Et tout invite ça sa clientèle à s'habiller en mauve. En mauve, voilà. Et tout ça cumule demain après-midi à grand rassemblement au Carré d'Yauville. Exactement. À 14h demain, 17 mai, on fait un rassemblement Amène tes alliés. Alors, on invite les gens à se déplacer vers Place d'Yauville en compagnie de leurs proches, en compagnie des gens qui les appuient dans leur diversité, j'ai envie de dire, en compagnie des gens qui les aident à être eux-mêmes et qui croient en eux, qui luttent contre l'homophobie, la transphobie, sans nécessairement être des personnes LGBT. Donc, ce sont des alliés. Il va y avoir prise d'une photo officielle à partir du toit du Palais Montcalm. Alors, une espèce de photo en plongée. Et ça va devenir la photo officielle des alliés. alliés contre l'homophobie, la transphobie de Québec. Alors, on aimerait avoir le plus de gens possible pour que cette photo symbolique puisse partager, être partagée sur les réseaux sociaux, circuler et tout. Si vous avez envie de pouvoir dire « j'étais là », eh bien, venez demain. Venez demain, amenez vos amis. Amenez vos amis, habillez-vous de façon colorée. Oui. C'est beau temps, mauvais temps, mais il va faire beau, c'est sûr. Là, j'ai consulté toutes les applications, tous les sites web. On a mis un chapelet arc-en-ciel sur la corde. Il va faire beau demain. On vous invite à cette belle activité. Ouais. Olivier, vous et moi, on était à l'Assemblée nationale au moment du dépôt de la motion par la ministre de la Justice. C'était vraiment bien. C'était une très belle motion et on a eu aussi des interventions des autres partis politiques. C'était unanime. Il y avait plusieurs députés d'ailleurs au présent moment de la motion, ce qui est quand même un fait. Il faut le souligner. C'est un fait rare. Habituellement, des motions comme ça, c'est fait au bout. Avec peut-être une dizaine de députés, mais là, il y en avait beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter cette présentation de la motion par la ministre de la Justice. On va écouter aussi les interventions des députés et puis on va en jaser par la suite. Parfait. Oh, pardon. Je cède la parole à Mme la ministre de la Justice pour une motion sans préavis. Mme la ministre. Alors, Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Lac-Saint-Jean, la députée de Montarville et la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Que l'Assemblée nationale souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui se tiendra le 17 mai prochain. Qu'elle dénonce toute forme de discrimination, intimidation ou violence à l'endroit des membres des communautés LGBT. Qu'elle réitère son soutien et sa solidarité envers ces communautés et qu'elle salue l'engagement de tous ceux et celles qui contribuent à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Que les membres de cette Assemblée continuent d'unir leurs efforts pour lever les obstacles encore présents, malgré les progrès accomplis, pour faire du Québec une société ouverte et inclusive à l'égard de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens, afin d'atteindre une réelle égalité des genres. Et finalement, qu'elle s'engage à poursuivre les efforts afin d'assurer la sécurité, l'intégrité, la dignité et la liberté de tous les citoyens sans égard à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. La présence dans les tribunes de représentants des différents groupes qui militent au quotidien afin que l'homophobie et la transphobie soient des concepts mis derrière nous. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être ici. Monsieur le Président, nous aborons fermement ce macaron, ce A pour les alliés à la lutte, à l'homophobie et à la transphobie. Je profite de l'occasion pour réitérer la solidarité du gouvernement du Québec envers les communautés LGBT et pour saluer toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement indéfectible, contribuent à faire échec à l'homophobie et à la transphobie. Nous devons unir nos efforts pour lever les obstacles encore présents, malgré les progrès accomplis, pour faire du Québec une société ouverte, inclusive à l'égard de tous les citoyennes et de tous ses citoyens, afin d'atteindre cette réelle égalité de genre. De plus, nous devons assurer la sécurité, l'intégrité et la dignité et la liberté pour toutes ces personnes sans égard à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. À titre de ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, je m'engage à poursuivre les actions en ce sens afin que notre société atteigne une réelle égalité pour tous, peu importe l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Merci à vous, Mme la ministre de la Justice. Monsieur le député de Lac-Saint-Jean, à vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que notre formation politique se joint pour souligner cette importante journée internationale pour lutter contre l'homophobie et la transphobie et de réitérer l'importance de dénoncer toute forme de discrimination envers la communauté LGBT. Merci à vous, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Madame la députée de Montarville, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est avec grand plaisir et fierté également que je joins ma voix ce matin à celle de la ministre de la Justice. En ce jour où nous élevons notre voix contre l'intolérance et pour l'égalité, nous nous devons de saluer et surtout de remercier toutes les personnes d'ici comme ailleurs qui lutte contre la discrimination et l'intimidation à l'endroit des membres de la communauté LGBT et qui œuvre à sensibiliser la population et à faire la promotion de l'égalité des genres et du respect des libertés relatives à l'orientation sexuelle. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien sûr, je suis très heureuse d'être debout devant vous aujourd'hui pour, avec vous, dire comment nous sommes soit LGBT, c'est mon cas, ou soit alliés. Le A que vous portez ici, ça veut dire que vous êtes des alliés. C'est-à-dire que vous comprenez, que vous êtes solidaires, que vous avez envie que cesse l'homophobie et la transphobie. Parce que dans les faits, l'homophobie et la transphobie ne touchent pas que les gens qui sont LGBT. Elles vous touchent tous et toutes. Elles touchent nos enfants. Elles touchent nos familles. C'est ainsi que se terminent ces extraits, Olivier. Elles touchent les familles, effectivement. On a tendance à oublier ça, mais c'est pas facile pour les familles non plus de vivre, de voir qu'un des membres de la famille est victime d'homophobie. Clairement. Ma mère est à la retraite. Elle a travaillé pendant toute sa carrière presque dans une école secondaire comme travailleuse sociale. Mais entendre quelque chose comme ce petit fif dans un corridor, là, ça brisait son cœur de mère, ça, c'est sûr. Là, bon, donc l'homophobie, la transphobie, ça fait mal à plein de gens, tous ceux qui ont à cœur l'égalité puis les droits humains, puis tous ceux qui connaissent quelqu'un qui est gay, lesbienne, bisexuel, trans ou qui correspond pas comme aux stéréotypes et tout. Là, bon, parce qu'il faut pas se faire de cachette, l'homophobie, la transphobie, ça touche pas que les personnes LGBT. Moi, on me dit souvent, Olivier, ça paraît pas, tu passes pas pour gay et tout. Bon, on en reparlera une autre fois peut-être, mais j'aurais des choses à dire sur ces idées-là de stéréotypes de genre, là. Mais ceci étant dit, je suis convaincu que les hommes hétérosexuels qui sont victimes de davantage d'homophobie que moi, parce qu'ils sont supposément pas... C'est parce qu'ils correspondent pas assez à masculins, ce à quoi doit correspondre un homme. Enfin, c'est toute une question. Olivier, on pourrait faire une autre émission là-dessus Olivier, complet. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on aura l'occasion un jour, on ne sait jamais. Olivier, j'ai trouvé assez fort l'engagement de la ministre de la Justice. D'ailleurs, ça, c'est une belle nouvelle pour l'ensemble de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, transsexuelles, intersexuées aussi, queer. Enfin, tous les gens qui sont en dehors de la majorité hétérosexuelle. J'ai trouvé très fort l'engagement à faire en sorte qu'il n'y ait plus de violence, qu'il n'y ait plus d'homophobie, qu'il n'y ait plus de transphobie dans notre société. Et dernièrement, l'Assemblée nationale, à l'étude des crédits du ministère de la Justice pour la prochaine année, la ministre a dit clairement que pour elle, c'était une priorité au moment où elle a annoncé donc qu'il allait avoir du financement encore pour la suite du plan d'action du gouvernement du Québec pour la lutte contre l'homophobie, la transphobie. Alors, c'est une bonne nouvelle, surtout dans le contexte difficile d'austérité qu'on connaît. On va faire une pause musicale. On va écouter une chanson qu'on a entendue, vous et moi, vendredi matin. Fracture du crâne d'Ariane Moffatt. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Tu ne te sens pas bien. T'en dis plus tes voisins, tes pensées se parlent en latin. Je crois que je sais de quoi t'as besoin. On va pas voir tous tes médecins. Il est dans ta tête, le vaccin. Dans ta tête et entre tes mains. Je vais pas te faire la morale, juste te lancer une balle. T'emmener voir une autre étoile à l'issue d'un voyage social. Fais du café, ferme la télé. Assieds-toi dans les escaliers. Ce sera pas long ni compliqué. Après, je te laisse aller. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture. L'ouverture de l'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une fracture du crâne, une fracture du crâne. La spontanéité pourrait sûrement te soulager. La curiosité va t'aider à t'envoler. Oh, oh, oh, de là, des banalités. Oh, oh, oh, au-dessus des généralités. Y'a pas trois vies dans ta partie. Pas de bonus track ni de photocopie. Ne perds pas ton temps à juger les gens. Ne perds pas ton jus à condamner les connus. I'm L'ouverture du crâne d'Ariane Moffatt, Olivier, on a vu flotter le drapeau au-dessus du Parlement, au-dessus de l'Assemblée nationale. On l'a vu flotter aussi au-dessus de la ville de Québec, ce que vous m'avez appris tantôt. Mais on était à Lévis pour la levée du drapeau, la levée du drapeau arc-en-ciel à la ville de Lévis. Le maire de Lévis était présent, on l'a dit tantôt, et d'ailleurs, il a accepté de s'adresser plus spécifiquement aux auditeurs de CKRL, vous allez l'entendre dans son entrevue, lors de la cérémonie justement de levée du drapeau vendredi matin. C'était une très belle cérémonie, très bel endroit, des paroles positives de la part de tous les intervenants. On va d'abord entendre un extrait de son discours officiel, suivi de l'entrevue qu'il nous a accordé, puis on va en rejaser, vous et moi, par la suite. De participer à cette première cérémonie à l'Hôtel de Ville qui vise à célébrer la diversité, la tolérance et l'inclusion. Comme vous le savez, le drapeau va flotter jusqu'au 25 mai et c'est la première fois depuis que je suis élu maire que je procède, on appelle ça la levée d'un drapeau, c'est bien ça, à la levée d'un drapeau. Alors, c'est la première fois que je le fais et je suis très heureux de le faire. Donc, pour démontrer et déclarer haut et fort que les situations d'injustice et de discrimination que vivent les membres de la communauté LGBT... Florent, pourquoi t'as écrit ça, là? Alors, t'aurais dû le mettre au long. OK? Alors, je comprends que c'est lesbienne, gay, après, bisexuel et trans. Alors, donc, moi, il faut que les choses soient au long. LGBT, ça ne me dit rien, tu sais. Parce qu'en plus, je dis que les situations d'injustice sont inacceptables. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Et là, c'est bien précis. Alors, donc, c'est pourquoi, le 4 mai dernier, on a uni nos efforts et, par résolution du Conseil, je suis content que Pierre soit ici aujourd'hui, unanimement, on a proclamé le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On prend parfois pour acquis dans notre société qu'on en est une d'inclusion et de diversité. Pourtant, on est quand même, encore aujourd'hui, confronté à des situations d'intolérance. Profitons donc de la journée du 17 mai pour affirmer notre soutien à ceux et celles qui vivent de telles situations et rappeler qu'à Lévis, chacun a sa place. J'invite donc les Lévisiennes et les Lévisiens à prendre part aux activités entourant cette journée et joindre leur voix à la nôtre pour lutter contre les préjugés et célébrer la diversité. C'est beau les discours, mais il faut passer à l'acte aussi, hein? Il faut passer à l'action, vous êtes d'accord? Alors, si vous allez sur notre site Internet à la Ville de Lévis, vous allez voir qu'on offre les cérémonies civiles pour les mariages homosexuels. Et ça, c'est important pour nous, et c'est sur notre site Internet. Donc, moi, comme maire, ça me fera bien plaisir, un jour, de marier un couple homosexuel. Alors, bienvenue à Lévis. Merci. Monsieur le maire, vous avez décidé de lever le drapeau arc-en-ciel pour le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie. Pourquoi avoir posé un tel geste? Parce que moi, à Lévis, je crois fondamentalement qu'on se doit d'être une communauté ouverte, une communauté d'inclusion. Et notre objectif, nous, dans tous les niveaux de notre vie communautaire, dans tous les niveaux de la vie de la communauté, c'est d'être inclusif. Et d'accepter la différence, et non seulement d'accepter la différence, mais de faire en sorte que tous et chacun puissent participer librement au développement de notre communauté et sans qu'on crée des catégories de citoyens. Alors nous, tous nos citoyens sont des citoyens à part entière et ils méritent de ce fait d'avoir la reconnaissance de leur communauté. Et nous, c'est ce que nous faisons dans notre quotidien. Vous savez, à la Ville de Lévis, on a 300 organismes reconnus. C'est probablement un des plus grands réservoirs de bénévolat, je vous dirais, d'action bénévole dans tout le Québec. Et c'est ce dynamisme-là que nous, on veut mettre en évidence. Et c'est cette différence-là qu'on veut mettre en évidence. Alors, et ça, c'est l'essence même de notre démocratie en passant. Quelle est l'essence même de notre démocratie? C'est que chacun puisse exprimer son point de vue. Chacun puisse exprimer sa façon d'être. Chacun puisse exprimer ses idées. Évidemment, il faut que ça se fasse dans le respect mutuel, tout le monde, mais il faut vraiment qu'on ouvre notre communauté donc à la différence. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes partie prenante pour la lutte à l'homophobie. Merci, M. le maire. Vous, les gens de Lévis, nos auditeurs qui demeurent à Lévis vont être contents aussi d'apprendre que le mariage gay est possible à Lévis. Oui, puis je voulais saluer en passant les auditeurs de Lévis qui vous écoutent en grand nombre. Oui, et en même temps, ben, comme Québec l'an passé a fait aussi la levée du drapeau arc-en-ciel, cette année, c'est Lévis. Alors, imaginez-vous, ça veut dire que l'ensemble de la population de la grande région de la capitale nationale, Québec et Lévis, on est derrière arc-en-ciel, on est derrière la lutte à l'homophobie. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Très belle prise de position de la part du maire de Lévis, n'est-ce pas, Olivier? Oui, franchement, c'était un beau moment. Puis, bon, évidemment, il y a des choses un peu convenues. Il y a des discours écrits, mais on sent que M. Lohier, quand même, là, était, comment dire, pleinement conscient de l'importance du moment puis qu'il a fait de bon cœur. Il est sorti de son texte à l'occasion. Oui, il a fait dire, moi, je veux marier un couple de même sexe. Ben, c'est quelque chose qu'on sentait qu'il avait vraiment envie de faire. Là. Alors oui, c'est beau de voir ça. Puis bon, on pense souvent que la communauté LGBT de Québec, puis tu sais, toutes nos actions sont juste sur la rive nord, mais sur la rive sud aussi, du côté de Lévis, il y a beaucoup de dynamisme. Il y a le Gris Chaudière-Appalaches, il y a le Bigal au cégep de Lévis-Lauzon et tout. Puis ben maintenant, ben, la ville de Lévis a proclamé, lors du conseil municipal, le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, ça a beau être quelque chose de, comment dire, politique et symbolique, mais c'est un message très fort. C'est important, effectivement. C'est important que l'ensemble des autorités politiques de la région de Québec, qu'on pense aux députés, qu'on pense aux conseillers municipaux, qu'on pense aux maires, l'ensemble de la classe politique de la région de Québec est derrière nous dans la lutte contre l'homophobie, la transphobie. Et j'insiste, il y avait Stephen Blaney qui était là. On avait un ministre fédéral conservateur présent à notre levée de drapeau. Je pense que pour ça, on peut dire chapeau. Chapeau. Au retour de la pause, on va avoir des alliés avec nous, Olivier, trois jeunes du cégep de Sainte-Foy, et on va voir avec eux qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie qu'être allié, quelle est l'importance d'avoir des alliés pour la communauté des gays, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles, comme a tenu à le préciser le maire de Lévis. J'ai bien hâte de les entendre. Salut Théo, t'as repris des couleurs, t'as bien l'air en forme. Eh oui, je m'en suis mis grâce à Alimentex. Merci pour tes conseils, j'avais jamais imaginé tout ce que Alimentex et la nature peuvent faire pour nous. En effet, les humains se sont soignés pendant des millénaires naturellement avec les plantes. Oublie jamais, ta santé, c'est ce que t'as de plus précieux. Alimentex l'a compris. Depuis 1969, ils sont sur la première avenue, coin 12e rue à Limoilou. Alimentex, la pancarte blanche avec un trèfle à quatre feuilles. Pour des conseils, ils ont aussi un naturopathe et toute une équipe. Site web alimentex.ca. Vous avez prévu de faire des rénovations à la maison ou au chalet? Québec Aubaine Recycle a des milliers d'articles divers pour vous. Portes, fenêtres, chauffage, plomberie, électricité, bains, toilettes, alouettes! Ils vous offrent le plus grand choix et les meilleurs prix en ville. Plus besoin de chercher, une seule adresse pour vos travaux. 1635 Henri Bourassa à Québec. Pour en savoir plus, québecaubaine avec un S.com ou 418 529 8003. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Le dimanche 31 mai, c'est la marche pour l'Alzheimer. Alors le dimanche 31 mai, venez marcher le dimanche 31 mai afin d'aider les sociétés Alzheimer du Québec à soutenir les personnes atteintes et leurs proches le dimanche 31 mai. Joignez-vous à la marche le dimanche 31 mai afin d'amasser des dons pour vaincre la maladie d'Alzheimer le dimanche 31 mai. Inscrivez-vous avant le dimanche 31 mai sur marchepourlalzheimer.ca. La marche pour l'Alzheimer, c'est le dimanche 31 mai. N'oubliez pas. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. chichiocafé.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous sommes de retour pour l'émission spéciale sur la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et je suis en compagnie de Philippe, Samuel et Manon. Bonjour vous trois. Bonjour. J'aimerais que chacun se présente et dise qui il est. Vous êtes tous les trois du cégep de Sainte-Foy, mais qu'est-ce que vous étudiez au cégep de Sainte-Foy? On va commencer par Philippe. Alors moi, j'étudie présentement en sciences humaines depuis 3 ans. Donc... Voilà. Oui. Moi, je suis étudiant en sciences de la nature en ce moment au cégep. C'est ma première année. Moi, personnellement, je finis mon programme en histoire et civilisation cette année. Samuel, je m'excuse, le micro n'était pas ouvert. Peut-être répéter à nos auditeurs, vous êtes en... Je suis en sciences de la nature au cégep de Sainte-Foy pour la première année. Bon, il y a un petit problème avec le micro jaune. Peut-être vous approchez à ce moment-là d'un ou l'autre des micros, pardon. Vous installez l'un près de l'autre, voilà. Pour répéter pour la troisième fois, donc je suis en sciences de la nature au cégep de Sainte-Foy pour la première année. Merci, là on vous entend très bien. Merci, merci beaucoup de cette précision et désolé pour le petit pépin technique. Vous êtes tous les trois membres du comité Arco-Iris du cégep de Sainte-Foy. Qu'est-ce que c'est Arco-Iris et pourquoi un tel comité? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Oui. Arco-Iris, c'est un comité pour la diversité sexuelle qui a été créé il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Et le nom lui-même, Arco-Iris, signifie arc-en-ciel. Donc, nous avons pris ce nom par symbolisme envers le drapeau de la communauté LGBT. Oui. Et qu'est-ce que fait Arco-Iris? Très exactement, on a plusieurs projets. Oui, donc ça, en fait, depuis un an, le comité Arco-Iris est beaucoup plus actif au sein de la communauté du Cégep. Donc, on présente, on a fait une conférence sur l'homoparentalité en automne. Par la suite, on a eu plusieurs kiosques de distribution d'informations, en fait, par rapport à la santé sexuelle et la diversité sexuelle. On présente également des films pour suivre des discussions, pour sensibiliser... les étudiants par rapport à plusieurs aspects qui peuvent venir toucher la communauté LGBT. Et est-ce qu'il y a beaucoup de participants aux diverses activités? Tranquillement, pas vite, ça augmente, oui. Ouais. Ça a pris du temps avant que ça parte, là, mais c'est en train de se prendre. Là. Ça a été aussi l'un de nos projets de se créer des affiches afin d'être plus visible dans tout ce qui était la communauté du cégep. Ouais. Donc tranquillement, on se fait de la visibilité et le plus souvent, les gens sont plus souvent là au kiosque. Oui. Ah, c'est bien. C'est on a bien. Également établi une façon plus facile de nous rejoindre de façon anonyme là, pour respecter les élèves qui sont encore un petit peu plus gênés d'en parler s'ils vivent des choses un petit peu plus difficiles de leur côté puis ils veulent pas leur nom soit donné à tout le monde. Donc, oui, parce que vous à la fois vous sensibilisez l'ensemble des étudiants à l'importance d'avoir une attitude positive envers les personnes. Peu importe leur orientation de sexe ou de genre, mais vous êtes aussi comme une porte d'entrée pour des jeunes qui voudraient parler à quelqu'un, c'est ce que je comprends? Oui, exactement. Justement, on a des journées disponibles la session prochaine, on prévoit de le faire oui. Pour justement des personnes qui auraient des questions, venir poser aux membres de l'Arco-Iris, des locales, des rencontres individuelles ou en groupe. Oui. Là, on va entrer dans le cœur du sujet. Vous avez expliqué ce que vous faites. C'est bien, c'est vraiment intéressant et c'est important ce que vous faites. Mais là, j'ai une question à vous poser à laquelle je pense que vous avez un peu réfléchi avant de venir à l'émission. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une personne alliée? Une personne alliée, selon moi, c'est quelqu'un qui se force d'être une ressource pour ses amis, ses proches, qui auraient des questionnements sur leur sexualité ou des problèmes dans leur vie. Dans le fond, quelqu'un qui serait informé, qui enlève vraiment toutes les traces d'homophobie de son milieu pour créer un milieu sécuritaire, justement, pour ces personnes autour de lui. Donc, quelqu'un qui fait un pas de plus que juste accepter. Ouais, exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Ça a été la grosse définition qu'on voulait donner justement dans notre comité pour le mot allié pour nous. Ouais. Et comment vous en êtes venu à devenir des alliés? Moi, personnellement, bonne question. J'ai toujours été un peu attirée par ce genre de combat. Donc, et puis connaissant des personnes qui étaient LGBT, Je me suis dit que tant qu'à me battre pour quelque chose, autant me battre autant pour ce que je crois que pour les personnes que j'apprécie. Ouais. Donc, quand on a ouvert le comité Arcoiris au Cégep, je m'y suis tout de suite inscrite. Ouais, c'est et pour vous, Philippe et Samuel. Étant homosexuel moi-même, ouais. Je me suis toujours dit qu'il faudrait vraiment que j'aide les personnes comme moi, oui. qui seraient en problème dans leur vie, et tout ça. Au secondaire, j'avais pas de comité qui s'en occupait. J'ai toujours trouvé ça triste. Puis je me suis dit qu'au cégep, si j'avais l'occasion, j'y irais sans me poser de questions. Et c'est ça qui est arrivé. Bon. Et Philippe? Disons que c'est un petit peu un mélange de Samuel et de Manon, dans le sens que, étant moi aussi impliqué de façon très proche là, dans la vie de la communauté LGBT, puis j'ai toujours eu un attrait à ce qui est de la défense de l'égalité des droits et des biens de tout le monde, que ce soit au niveau vraiment de tout. Je crois que l'inégalité, ça ne devrait pas exister. On est tous humains, qu'on s'entende tout le monde ensemble. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous retrouver devant des situations homophobes, transphobes? Moi, oui. Oui? Et comment on réagit? Peut-être que votre expérience pourrait profiter à d'autres. Comment vous avez réagi? En fait, personnellement, ça dépendait de l'attitude de la personne à laquelle j'étais confrontée. J'ai eu des attitudes quelque peu homophobes ou transphobes, mais des fois, c'était par des questionnements, des regards ou des attitudes... un peu désobligeante, mais ça allait encore. Donc, le plus souvent, c'était demander à la personne qu'est-ce qui le gênait, si je pouvais l'aider à mieux comprendre quelque chose. Et alors que j'ai aussi fait face à des actes qui étaient beaucoup plus haineux. Et là, j'avoue que j'ai un peu plus pogné les nerfs. Ah oui. Mais en essayant de rester courtoise. Ouais, c'est très humain. C'est très humain, effectivement, de s'emporter, mais... Est-ce que vous êtes un peu comme ça, Philippe? Oui, moi, ça a vraiment été dans cette optique-là. J'ai surtout avec, en fait, les peurs et les préjugés. Donc, ça a été une question vraiment d'informer les personnes là, sur c'est quoi l'homosexualité, puis que, dans le fond, il n'y a rien à craindre. Oui, ouais. Parce que vous sentez que c'est beaucoup, beaucoup de la crainte de la part des gens? Oui, le plus souvent, moi, je pense que oui. Oui, mais soit de crainte ou... Oui, moi, je pense que c'est vraiment une question de qu'ils savent... qui connaissent pas assez, ils n'ont pas cette information. Donc, l'ignorance fait le plus souvent peur, donc quand on ne connaît pas, voilà ce que ça donne. Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir témoigné, c'est très apprécié. Souhaitons que ça donne le goût à d'autres jeunes de s'impliquer dans là où ils sont finalement, pas seulement au Cégep de Sainte-Foy, mais un peu partout. On espère. Merci. On va écouter une chanson des Wriggles qui s'appelle « Mon petit mec et moi ». Petit mec et moi, on se fait des câlins, on se fait des mamours, et les autres on s'en fout. Mon petit mec et moi, on se tient par la main, et les gens tout autour ne regardent que nous. Mon petit mec et moi, on s'embrasse sur la bouche quand je lui change sa couche. Ton petit mec et moi, on n'a rien besoin de se dire. Et quand on se comprend, c'est souvent par hasard. Ton petit mec et moi, on s'observe grandir. Tous les deux, on s'apprend beaucoup par le regard. Mec et moi, on s'embrasse pas sur la bouche quand je lui change sa couche. Depuis le divorce pour la justice, je vis tout seul avec mon fils. Mon ex étant hôtesse de l'air, ça lui laisse peu de temps pour être mère. Elle sait que je suis devenu homo, qu'on lui fera pas d'enfant dans le dos. Elle t'apprécie, te trouve super. Elle dit qu'on fait une super paire de pères. Pour les voisins, c'est différent. De PD, ça fait pas de parents. Pour la morale, n'en parlons pas. Même si Jésus avait deux papas. Pour la rumeur, ce serait trop dur. On serait deux pédophiles, c'est sûr. Alors on joue les hétéros. On invite des copines au resto. Mon petit mec et toi. Ton petit mec et toi. On est bien tous les trois. On est bien comme ça. Cette chanson-là peut-être tantôt. Et là, j'ai le plaisir d'être avec le porte-parole de la Fondation Émergence. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, rappelez-moi votre nom. Laurent Brault. Laurent Brault, voilà. Je m'excuse, j'avais eu comme un blanc. J'aimerais ça dans un premier temps. D'abord, bravo pour la campagne cette année. C'est vraiment bien. C'est très apprécié. Ah, ben, merci beaucoup. Mais les gens connaissent, bon, évidemment, peut-être que certains ont vu que c'est la Fondation Émergence qui est derrière la campagne, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que c'est que la Fondation Émergence. Qu'est-ce que c'est? Oui, la Fondation Émergence a été créée en 2000 à l'initiative de Gay Écoute. Il s'agit d'une fondation qui planifie des campagnes de sensibilisation et d'éducation à grand déploiement, donc à un déploiement national sur l'ensemble du territoire du Québec, en préparant à chaque année la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et dans le cadre de cette journée, la Fondation met en place une thématique en particulier qui change à chaque année. L'année passée, c'était l'homoparentalité. Il y a eu l'homophobie dans le sport. Cette année, c'est sur les alliés. Et pourquoi sur les alliés? Parce que je pense qu'on est rendu là de reconnaître le rôle essentiel des alliés pour la reconnaissance des droits, pour l'affirmation et le respect de la différence d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Il faut dire que, historiquement, s'il n'y avait pas eu des alliés qui se seraient joints pour la reconnaissance des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, on ne serait pas allé bien, bien loin. Donc, ils sont vraiment essentiels pour la justice sociale. Puis, cette année, dans le cadre du 15e de la Fondation, 15e anniversaire de la Fondation Émergence, on voulait remercier les alliés pour leur soutien continu. Et aussi, il y a un petit peu, il y a aussi l'idée que chez les alliés, les personnes alliées ne savent pas nécessairement qu'elles le sont. En créant la catégorie alliée, on leur attribue une identité positive, affirmative, et les gens, ce qu'on a remarqué depuis le début de la campagne, les gens se l'approprient et adorent se dire alliés. C'est très valorisant. Avant, on n'avait pas ça. Oui, je suis accompagné de Jeanne Lagabrielle de Gris Québec. On va expliquer tantôt c'est quoi Gris Québec, mais je sais qu'eux aussi, pour Gris Québec, c'est très important les alliés, n'est-ce pas, Jeanne? Oui, bonjour. Oui, absolument. Nous, cette année, on a un projet, justement, qui s'appelle A comme allié. Et à l'intérieur de ce projet-là, on a décidé de leur offrir un outil pour s'identifier comme alliés, parce que comme vous le disiez, alors, c'est bien. Ça tombe bien, justement, Jeanne, on va en parler tantôt de cet outil-là. Donc, c'est comme dans l'air, n'est-ce pas, M. Brault? Oui, tout à fait. Je pense que les planètes s'enlignent. Oui. Vraiment, il y a plusieurs organismes comme le Gris Québec, la Fondation Émergence et d'autres qui parlent des alliés. Et vraiment, on est très, très, très content cette année que tout le monde met la main à la pâte pour diffuser ce terme-là pour que les gens se l'approprient. Oui, parce qu'ici, dans la région de Québec, on a les deux maires des villes principales, on a l'ensemble des députés aussi qui ont dit qu'il fallait lutter contre l'homophobie, la transphobie. On réussit à gagner du terrain de plus en plus. Est-ce que vous sentez ça un peu partout à travers le Québec, à Montréal et ailleurs? Oui. Je pense qu'il y a un mouvement de sympathie envers la cause LGBT. Je pense néanmoins qu'il y a énormément de travail à faire pour ce qui est de la lutte à la transphobie. Oui. Nous, dans notre définition des alliés, on avait un choix à faire. Est-ce que est-ce qu'on continue comme avec la définition traditionnelle de dire que ce sont les hétérosexuels qui peuvent être alliés seulement, ou on inclut tout le monde, dont les LGBT? Je pense que c'est important de considérer que les alliés incluent aussi les personnes LGBT. J'explique pourquoi. Une personne gay n'est pas nécessairement non transphobe. C'est-à-dire qu'on peut être gay et transphobe. Inversement, on peut être une personne trans et homophobe. Et je pense que même pour les personnes gays, il y a tout un cheminement à faire pour comprendre les enjeux, comprendre la réalité des personnes trans. Donc, je pense que pour ce qui est de la réalité de la transidentité, il y a énormément de travail encore à faire. Bien, merci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Brault. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne continuité à la Fondation Émergence. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, Jeanne, c'était très intéressant, n'est-ce pas, d'entendre ça? Et je pense que c'est quelque chose de nouveau dont on prend de plus en plus conscience. Une personne alliée, ce n'est pas nécessairement une personne hétéro. Absolument. Nous aussi, on s'est posé exactement la même question sur la définition d'allié, et on pense que les hétérosexuels sensibles à ouverts à la diversité sexuelle et de genre, et puis comme le disait Samuel Darcoiris, qui décide de faire un pas de plus pour l'inclusion, sont des alliés, mais les personnes de la communauté LGBT qui font un pas de plus aussi sont des alliés. Oui. Aussi dans le sens où il y a des personnes de la communauté LGBT qui ne s'engage pas forcément pour l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a bien fait de souligner effectivement que c'est pas parce qu'on est gay ou homosexuel ou bisexuel qu'on n'est pas nécessairement transphobe. Absolument. Ça, c'est très important de l'avoir souligné. Oui. Donc, on va revenir à Gris-Québec. Qu'est-ce que c'est Gris-Québec? Gris-Québec, c'est un organisme qui a été fondé par justement des alliés, des parents d'un jeune homosexuel qui voulait que l'homophobie n'ait plus sa place dans les écoles. Et en fait, la mission de Gris-Québec, c'est vraiment pour l'inclusion des personnes homosexuelles et bisexuelles dans la société. Et principalement, ce qu'on fait, c'est que on démystifie l'homosexualité et la bisexualité en allant dans les écoles et en répondant aux questions des jeunes. Oui. Donc, on sensibilise beaucoup de potentiels alliés. Et puis, également, il y a l'accès, c'est un endroit... Est-ce que vous occupez de l'identité de genre aussi? Non, je vais vous... Enfin, oui et non. Oui, c'est dans le important sens... quand même pour les jeunes de le savoir. Oui, absolument. En fait, les mécanismes de l'homophobie et de la transphobie, ils ont vraiment les mêmes racines dans les stéréotypes de genre notamment, beaucoup, et le sexisme. Donc, des attentes stéréotypées envers ce que c'est que le masculin et le féminin. Donc, dans ce sens-là, on le touche. En revanche, on parle peu de transidentité dans nos démystifications. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui vont dans les écoles démystifiées partent de leur vécu uniquement. Et les personnes bénévoles de Gris-Québec, les démystificateurs et démystificatrices, sont des personnes lesbiennes, gays ou bisexuelles, pas des personnes trans. Mais c'est pas exclu qu'éventuellement il y a des bénévoles qui puissent le faire, c'est ça que je comprends. C'est pas, ce serait, j'aurais du mal à me prononcer là-dessus parce bon. Qu'en fait il y a un grand, nous on pense qu'il faut qu'il y ait des personnes trans qui aillent dans les écoles, mais pas forcément à travers Gris-Québec. Ouais. Pourquoi? Parce que souvent les jeunes mêlent, par exemple, homosexualité. Un gay, un homme gay un homme considéré comme efféminé. Ouais. Puis juste que je mets vraiment beaucoup de guillemets à efféminé. Tout à fait, oui. Et donc justement, on veut déconstruire cette idée-là. Un homme considéré comme efféminé peut très bien être hétérosexuel également. Ouais. Et donc on s'est dit que si on fait une démystification commune entre transidentité et homosexualité, il y a un risque de remêler les jeunes. Ouais. C'est l'idée derrière. OK. Parlons maintenant de A comme allié. Oui, alors Akamali, c'est notre gros projet cette année, en fait, qui vise à reconnaître le rôle important des alliés et puis à les outiller, notamment à travers une plateforme web interactive qui, pour la première fois dans le monde francophone, va rassembler absolument toutes les informations, toutes les ressources, tous les outils dont les alliés ont besoin pour agir, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services sociaux et du communautaire. Donc c'est vraiment un projet d'une grande envergure et on pense qu'il va pouvoir faciliter le travail de celles et ceux qui parfois voudraient faire quelque chose mais ne savent pas par où commencer, ont peur de mal faire par manque de connaissances ou d'outils. Concrètement, ça va se passer comment? Alors concrètement, donc déjà juste pour dire, ça va être lancé en novembre 2015. Concrètement, en fait, les utilisateurs, utilisatrices pourront s'inscrire, auront accès à un espace membre qu'ils vont pouvoir personnaliser pour pouvoir s'y retrouver dans l'énorme quantité de contenu qui sera présent sur la plateforme. Donc le contenu va permettre de répondre à plusieurs de leurs questions, c'est ce que je comprends. Exactement. Et ils vont pouvoir cheminer à travers ça. Ils vont pouvoir cheminer et on va répondre à la fois à ceux qui n'ont pas encore commencé ou ceux qui sont déjà très avancés dans leur implication sur cette question-là. Ils vont pouvoir discuter avec d'autres aussi? Pour l'instant, non. Mais c'est pas exclu. C'est pas exclu. Oui. Oui, parce que parfois, on peut trouver des réponses avec des gens avec qui on peut entrer en interaction, c'est ça? Oui, absolument. De plus en plus, le mode d'interaction dans les médias sociaux, les jeunes sont habitués à ça. Oui, tout à fait. C'est une très belle initiative. Pour le moment, les gens n'ont pas accès encore à tout le déploiement de la plateforme, c'est ce que je comprends. Pour l'instant, oui, la plateforme, elle va vraiment être lancée en novembre 2015, mais il y a déjà un site qui s'appelle acomallier.ca, allier... IEES à la fin, .ca, où on présente l'ensemble du projet et où il est possible également de se procurer des macarons, qui est l'outil qu'on a créé cet hiver pour permettre aux alliés de s'identifier comme tels. Donc un macaron A comme allié, que les élus d'ailleurs portaient lors de la motion le 14 mai, dont vous avez parlé en début d'émission. Et en fait, c'est ça, ce macaron-là, c'est le premier outil qui permet de s'identifier comme allié vraiment sur soi, sur sa personne. Parce que pour changer la façon dont on voit l'environnement, pour voir un environnement autour de soi sécuritaire, c'est important que les alliés soient visibles. Ouais. Évidemment, ce n'est pas marqué sur notre front, si on est allié ou pas. Ouais. Donc là, on permet non pas de le marquer sur son front, mais de le porter à la boutonnière. Ouais. Il y a Olivier, d'ailleurs, qui vient de se joindre à nous. Olivier, vous apportez fièrement le macaron allié. Et je trouve ça intéressant, vraiment. Aujourd'hui, je trouve qu'on a fait quelque chose d'intéressant, là, de faire le tour, effectivement, d'expliquer c'est quoi une personne alliée. Et si les gens veulent aller plus loin, c'est sûr que si c'est les jeunes, ils peuvent passer par Gris Québec, mais si c'est des adultes, ils font quoi? Eh bien, ils peuvent. Il y a différentes façons de se positionner comme un allié, de s'intéresser à la lutte contre l'homophobie, la transphobie. Bon, il y en a une très concrète, c'est demain, là, le rassemblement Amène tes alliés à 14h à la place Diauville, dimanche 17 mai. Maintenant, je dirais une certaine curiosité, aimer la page Facebook de l'Alliance Arc-en-Ciel, aimer celle du Gris, aller voir la vidéo du Gris, la nouvelle vidéo à comme allié qui est disponible là, sur YouTube et à travers les réseaux sociaux du Gris Québec, ceux de l'Alliance Arc-en-Ciel aussi, puisqu'on partage et retweet le tout. Sinon, il y a des façons de s'impliquer dans différentes organisations. Vous êtes étudiant au Cégep Sainte-Foy, allez voir Arco-Iris pour faire votre part. Vous pouvez être bénévole pour la fête Arc-en-Ciel, les célébrations de la fierté qui vont avoir lieu la fin de semaine de la fête du travail du 3 au 6 septembre. Alors, on a des bénévoles de toutes sortes, de tous âges et de toutes orientations. On a des alliés, forcément. Mais donc, il y a différentes façons. Vous pouvez porter le macaron à comme allié, vous pouvez partager sur Facebook vos pensées, des appels à l'égalité et tout. Donc, c'est pas les façons de faire qui manquent. Et puis, vous pouvez aussi visiter le site web homophobie.org de la Fondation Émergence. Il y a des exemples aussi très concrets de comment être un allié, comment s'engager pour l'égalité des personnes LGBT. Les options ne manquent pas. Merci, Olivier. En terminant, Jeanne, de votre côté, les jeunes, est-ce qu'il y a un comité dans chacune des écoles? Comment ça fonctionne? Alors, malheureusement, non. Il y a un comité des alliés à Rochebelle. dans l'école secondaire de Rochebelle qui est très actif. Il y avait l'année dernière un comité aussi très actif à Saint-Charles-Garnier qui va peut-être renaître de ses cendres l'année prochaine. En tout cas, on le souhaite et on les accompagnera là-dedans s'ils le souhaitent. Mais les écoles secondaires peuvent parfois être un peu frileuses à créer des comités alliés à tort, vraiment, parce que ça crée la présence de comités alliés dans des écoles secondaires. Puis ça, il y a plusieurs études qui le montrent, améliore énormément l'atmosphère dans les écoles. Voilà. Ben, merci beaucoup, Jeanne. Merci, Olivier. Je pense que c'est une émission qui va aider les gens à cheminer. Merci aussi à Philippe, Samuel, Manon qui sont encore avec nous dans le studio. On les voit nous applaudir présentement. Chers amis, on vous attend en grand nombre demain après-midi à 14h à Place Diouville, au Carré Diouville, comme on dit à Québec. Soyez-y très colorés, Olivier, n'est-ce pas, avec des couleurs, parce que c'est une façon simple, concrète de manifester votre désir de que cesse l'homophobie et la transphobie. Oui, et on a la prétention un peu de dire qu'on va peut-être faire l'histoire avec une belle photo qui va rester. Il va avoir une trace. Les différents organismes qui participent au comité organisateur du 17 mai vont avoir une photo, donc une impression photo encadrée dans leur bureau de cette photo. Ça va circuler sur les réseaux sociaux et tout. Alors, il faut qu'on soit le plus de personnes possible à ce bel événement. C'est un rendez-vous. Merci tout le monde. Merci Jeanne. Merci Madame Monette. Au plaisir. Merci. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'Aérospatial, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. La Patente, atelier coopératif situé au 507 des Sables, offre une panoplie de formations personnalisées ou en petits groupes pour vous permettre de créer la patente de vos rêves en toute sécurité. Atelier d'ébénisterie, de textile, de métal, chambre de peinture, atelier d'électroinformatique et bien d'autres. Venez jeter un œil sur atelierlapatente.org pour découvrir nos formations. L'inscription est obligatoire. info@atelierlapatente.org ou 418-476-8176. Vous avez des talents cachés? Vous voulez offrir une formation spécialisée? Contactez-nous! Problème de balcon, de patio, de terrasse? Il est vieux, mangé par les déglaçants, pourri ou trop petit? Nous avons la solution. Chez solutionpatio.com, nous construisons, rénovons et imperméabilisons vos surfaces extérieures. Distributeur installateur de la membrane Duradec, plus douce que le ciment et la fibre de verre, la membrane Duradec est esthétique et offerte en plusieurs choix de couleurs et modèles. Pour une estimation gratuite, 418-260-9845. Avec solutionpatio.com et Duradec, vous êtes couvert. Pour bien commencer la semaine, venez vous dilater la rate à la Galerie Lounge avec les lundis comiques et la relève de l'École nationale de l'humour. Rencontrez nos futures stars du stand-up comique dans une convivialité lounge hors du commun. Procurez-vous vos billets à l'avance et profitez de la promotion 20$ plus consommation gratuite au choix. En pré-vente sur Eventbrite ou 20$ à la porte. Le 18 mai à 19h30, c'est lundi comique à la Galerie Lounge. 112 rue Saint-Paul, galerielounge.ca. We'll be right back.